D'après la radio sud-coréenne CBS, le syndicat de l'hôpital de l'université de Séoul a tenu le 6 courant une conférence de presse contre la façon d'agir du côté de l'hôpital qui refuse la rectification du papier certifiant le décès du paysan Beng Nam-gi.